tentation qui tue les braves. La traveineuse, l'État assassine nos rêves. Haute nous pisse, mon enclave, face au crime, y'a plus de rempart. Les loyers, l'opaque, esclaves sont nos remparts. Ce que le crime ne paie plus, l'honnêteté ne le rembourse pas. Vente pas la coupe du trépas. Quitter l'appart pour le paftard. Je veux braquer le bling bling au pape. Alors que je dois trouver le sommeil dans un sarcophage. N'espile dissident, laisse-moi cracher une dernière salve. Les vrais savent ce qui se cache dans nos salives. Missile camouflé, roya, c'est ma missive. Sécher les cours pour squatter les coursives. C'est biche pour le bif, sans cage une éternelle course-poursuite. On se procure le gun sous le nez du procureur. Ce qui fait porter les jeunes, c'est sûrement pas un emploi jeune. Criminogène l'époque. Les flocons de coke sur nos blocs, j'en étais sur le cerf. Et les cernes sous les yeux, les keufs qui tiernent. Entre crépuscule et aube, mais c'est dangereux comme un camion citerne. La victoire au bout du cimetière, exposé au crime comme Esri. Nos vies sont dures comme la pierre, c'est la tempête sous nos casquettes. Des couronnes mortuaires, prise au piège dans le sas, trop tard pour faire marche arrière. La victoire au bout du cimetière, exposé au crime comme Esri. Nos vies sont dures comme la pierre, c'est la tempête sous nos casquettes. Des couronnes mortuaires, prise au piège dans le sas, trop tard pour faire marche arrière. Puis à cette dalle qui nous empêche de dormir, c'est le feed dans le beat, quand t'as plus rien à vomir. Saison sèche et morbide, l'état m'a tranché la carotide. On garde le sourire face aux orties, mais qu'on sort, faut dans le sordide. Les petits rentrent dans la pente sans savoir la sortie. La paix, team beat, bastos, perspective anéantie. On est on menotté, j'forçais de plonger dans le néant. Firmament des infirmes, j'suis d'une génération de feignantes. Les à la vitrine, j'suis le suspect, regard vitreux, blanc comme neige. Mon CV, la spade, du poudreux. Les keufs veulent nous fumer, nous envoyer au funérarium. On prend la nuit pour journée, la rue salie. Nos Air Force One, on slalom entre la quinine et le Valium. La guine dans le sternum, notre âme en parquet d'aluminium. Et quand tu passes au parquet, tu piges le minimum. Candidat au crime, l'avocat qui ruine la daronne. L'état s'accroche à la poche la plus profonde. Mais hey, c'est net s'effondre chaque fois que je pèse la gêne de front. Le pire, c'est que dans tout ça, y'a des gens qui trouvent ça drôle. Finir au carré des indigents, quand t'as nage ou les seconds rôles. La victoire au bout du cimetière, exposé au crime comme Esri. Nos vies sont dures comme la pierre, c'est la tempête sous nos casquettes. Des couronnes mortuaires, prise au piège dans le sas, trop tard pour faire marche arrière. La victoire au bout du cimetière, exposé au crime comme Esri. Nos vies sont dures comme la pierre, c'est la tempête sous nos casquettes. Des couronnes mortuaires, prise au piège dans le sas, trop tard pour faire marche arrière. Un jour je me dis que je vais changer, mais je suis toujours pareil. Au réveil, un spliff, une genouille, un bled d'été. Je sais que cette merde c'est nocif, ce serait pas mon if dans le sang d'armes. Intégré impossible, ça sent le bled, scopit, dead. Ici du fric, il y a. Hier ils ont violé, pillé, frir, il y a. Aujourd'hui c'est notre tour, ça vient des tours. Et dans nos yeux, il y a la FBI. Économie parallèle, chez nous est né le mot mafia. Les meufs, le peu qu'il y a, elles finissent à la maf. Bluffé partout, il y a une balafre. J'embrasse les arches, j'écris les affres. Mat le désastre, 9-4, rien à battre. Les armées foncent droit comme une caisse qui s'encastre. Et coule la dope, coupe au plâtre. N2S, c'est de la mélancolie au sens propre. Nesbitt. La victoire au bout du cimetière, exposé au crime comme Esri. Nos vies sont dures comme la pierre, c'est la tempête sous nos casquettes. Des couronnes mortuaires, prise au piège dans le sas, trop tard pour faire marche arrière. La victoire au bout du cimetière, exposé au crime comme Esri. Nos vies sont dures comme la pierre, c'est la tempête sous nos casquettes. Des couronnes mortuaires, prise au piège dans le sas, trop tard pour faire marche arrière. La victoire au bout du cimetière, exposé au crime comme Esri. Nos vies sont dures comme la pierre.